vais aller manger parce que. Je cherche une excuse. C'est comme si je jouais du violon, quoi, en fait. Je joue avec un truc, quand même. Un bottleneck, quand même. Très bon. Plus que bon. On dirait qu'il joue avec un archer, quoi.